instantanés, tous vos instants d'années, volés d'année en année. Et dans ma chambre noire, vos regards m'apparaissent sans fin, blafard. Et pour l'éternité, vous restez figés, gelés sur papier glacé. Je suis un chasseur d'images, un chasseur d'images. J'étale vos vies dans les pages de mes albums d'images. Un chasseur d'images, je prends tant en otage, toujours en reportage. Un chasseur, sûrement un peu voyeur. J'attends que le clown pleure, le héros meurt, j'attends mon heure. Je pourchasse, je traque, l'instant qui se démarque, la seconde où tout se détraque. Je suis un chasseur d'images, un chasseur d'images. J'étale vos vies dans les pages de mes albums d'images. Un chasseur d'images, je prends le temps en otage, toujours en reportage. Un chasseur. Un chasseur d'images, je prends le temps.